Pythagore, j'ai inventé le théorème qui porte mon nom. Et qui dit que, dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Mais es-tu vraiment sûr qu'un triangle n'a pas un quatrième côté ? Moi, Archimède, j'ai découvert la masse volumique qui permet de savoir si une couronne est composée entièrement d'or ou pas, sans la casser. Oui, mais comme tu ne l'as pas vu, tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, Thalès, j'ai découvert qu'on pouvait s'orienter grâce à la constellation de la Petite Ours. Et ça aide bien les marins quand ils sont bourrés. Ça dépend d'où on se place. Bon, Socrate, tu fais quoi, là ? Ça s'appelle la dialectique. Et c'est moi qui l'ai inventé. Ouais, ben, c'est lourd. Attention, inviter un ami philosophe à dîner peut vous le gâcher. Pour des soirées agréables et sans prise de tête, évitez les intellectuels. C'était un message de la prévention psychologique. Ça va pas la tête ?